Histoire numéro 9, le pendu. Les Juifs, prétend-on, se vantent de leur ville de Kitchinev. Kitchinev se distingue surtout par ses célèbres pogroms et ses fameux vauriens. Ça fait rire tout le monde. Vous parlez d'une ville. Kitchinev, ce n'est rien, à côté de Krushnik. Vous entendez, monsieur Cholem Aleichem? Kitchinev n'arrive pas même à la cheville de Krushnik. Et les vauriens de Kitchinev feraient bien de venir chez nous apprendre un peu de nos voyous à nous. Et des Cosaques du Tsar, comment on s'occupe des Juifs? D'abord, là-bas, ils n'ont ni armes à feu ni canons. Un jour qu'ils devaient démolir une maison, ils ont ramassé une centaine de goïs, qui sont armés de bâtons et de cailloux. On ne peut pas faire tellement de dégâts avec des instruments comme ceux-là. Le temps de détruire deux ou trois maisons, et la colère tombée, et affaire réglée. Mais chez nous, à Krushnik, une dizaine de fusils et un canon respectable, avec quelques obus dedans, tout ça fout par terre une rue entière, y compris le marché, ses boutiques, ses boucheries et toutes les maisons avoisinantes. Pas besoin de diplôme. Le temps d'un schéma Israël et tout Krushnik s'écroule. Il ne reste plus âme qui vive, ni même un souvenir de ruine. Chez nous, ils ont fait disparaître tout ce qui avait rapport aux Juifs. On avait l'impression qu'ils ne rentraient pas chez eux, mais qu'ils envahissaient un terrain ennemi. Comme si notre Krushnik avait des fortifications comme Paris ou Varsovie. Depuis toujours, notre ville était, comment dirais-je, terrain neutre, en dehors de tout, sans jardin, sans parc, sans barrière, sans grille. Des maisons et des cabanes, voilà tout. De petites demeures, abritant des Juifs déguenillés, démunis de tout. Alors on leur tapait dessus, on les blessait, on leur tirait dessus, on les hachait menus, on les moulait fins, on les exterminait. Terminé, plus de Krushnik. Et pas davantage de Yonev, de Ratchov, de Maltselbougitch et de tous les autres villages. À l'exception de Lublin, parce que Lublin, c'est le chef-lieu du département, où résident aussi des notables et des Polonais. D'ailleurs, ceux-là ont commencé le travail. Sans les Polaques, qui jetaient de l'huile sur le feu et lâchaient des mensonges aux oreilles, peut-être rien ne serait arrivé. Le premier, comme d'habitude, ce fut Pampichevski, le diacre, dont je vous ai déjà parlé précédemment. La nuit même de la fameuse nouvelle lune, il a rendu visite au Machalnik et lui a raconté que nous, les Juifs, avions coopéré avec l'Allemand. La preuve, qu'aucun d'entre eux n'avait accepté de porter le chapeau du maire et que seulement Jaïel avait osé le mettre sur sa tête. Le tsar n'avait pas besoin de plus que ça, et l'incendie a pris comme dans une meule de foin. Les flammes visaient tous les Juifs sans exception et mon Jaïel le premier. Le commandement a promulgué un décret, selon lequel il fallait amener Jaïel mort ou vif. L'ordre mentionnait en outre les notables, le rabbin et le rabbin en titre. Le tsar en personne les demande. Vous pensez que je ne savais pas que cela se terminerait comme ça? Oh que si! Ni une ni deux, je leur dis à tous. Mes chers co-religionnaires, il est grand temps de nous volatiliser. Plus que grand temps. L'Allemand détale au galop, le tsar arrive au pas. Je savais bien, moi, que là où passe sa botte, rien ne repousse. Je leur dis à tous. Il faut fuir n'importe où, là où les yeux nous emporteront. Mais l'essentiel, c'est de ne pas rester ici. Je les avais presque convaincus et soudain, objection, le vieux rabbin. Il s'obstine. Quoi qu'il arrive, il ne bouge pas. Même pour une fortune, il ne se met pas à courir comme ça dans la nature. Le gardien d'Israël nous protégera, qu'il dit. Il continuera comme il l'a fait jusqu'à présent. Et sinon, qu'il en soit selon sa volonté, et que nous puissions nous voir tous enterrés avec nos ancêtres au cimetière de Krushnik. Les gens ont de drôles d'envie. Hélas, désir à part et réalité à part. Comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Le vieux ne se doutait pas qu'il allait tomber entre les pattes de bêtes humaines assoiffées de sang et surtout de sang juif. La noce a commencé la nuit même. Le tsar passait de maison en maison, soi-disant pour voir s'il ne restait pas là un Allemand ou deux. En attendant, le tsar fait ce qu'il fait partout, à Kitchinev, à Bialystok, à Banta, à Katerinoslav et dans toutes les autres villes juives. Partout, ils ont sauté, ils ont frappé, ils ont pillé. Par contre, chez nous, ils ont commencé par faire les poches pour y chercher des montres, des montres. Mais pas seulement. Des chaînes, des bagues, des boucles d'oreilles, même, pourquoi pas, des porte-monnaies. Et quand ils en ont fini avec les biens mobiliers, ils s'en sont pris aux armes. Ils ont ligoté, frappé, sabré, fusillé, pendu, surtout pendu. Il y a eu tellement de pendus chez nous qu'il n'en resta pas un arbre ou un poteau de libre. Ils ont posé des poutres entre les toits et ils ont pendu tous les juifs qu'ils ont trouvés, les uns après les autres. Le premier trinqué, ce fut le vieux rabbin, que Dieu ait son âme. Les cosaques ont fait irruption chez lui à l'aube. Il venait de commencer sa prière, vêtu de son châle rituel. « Vodka !» qu'ils ont crié. Les malheureux affamés et fourbus, vous suivez? Il leur fallait une goutte d'alcool, les pauvres. Mais d'où voulez-vous qu'un vieux rabbin comme celui-là leur trouve de l'eau de vie, dites? De plus que le tsar lui-même en a interdit l'usage. Lui, il ne veut pas interrompre sa prière. Il leur montre avec les mains qu'il n'a rien de ça chez lui. On lui refile une gifle qui lui arrache ses phylactères de sur la tête. Il se baisse pour les ramasser et on lui donne un coup de matraque sur la nuque et le voilà qui s'évanouit. Les cosaques l'enveloppent dans son châle, l'attachent à la queue d'un cheval et en avant. Il parcourt comme ça toute la ville et finalement ils le pendent sur la place du marché. Ils mettent un soldat en faction et annoncent qu'il restera pendu là pendant 3 jours et que personne n'essaie de le descendre de là-haut. Et ils le laissent comme ça, tout contusionné, le châle plein de sang, et il se balance comme s'il priait. Tous ceux qui passent par là regardent, s'affolent, détalent et se le racontent les uns aux autres. Le public accourt comme des bêtes, comme des chevaux. Mais qu'est-ce qu'il y a donc à voir, la bande d'idiots? Vous n'avez jamais vu de pendu, que diable? D'un autre côté, prenez mon cas à moi, le vieux crétin. Qu'est-ce qui m'a pris de courir et d'aller voir pour ce que j'ai gagné? Je n'ai pu dormir plusieurs nuits de suite. Je le voyais devant moi, le vieux rabbin pendu en l'air, gelé, tout bleu, dans son châle couvert de sang, et qui me regardait. Vous comprenez ça ou non? Enfin bon, c'est fini tout ça. Vaut mieux que nous parlions de choses un peu plus gaies. Chez vous, il n'y a pas eu de pogrom? On n'a pas pendu de juifs chez vous? Mais à propos, de quel pays vous vous sauvez-vous, monsieur Sholem Aleichem?